Chapitre 7e, les créanciers. Une tête sinistre, en effet, venait de paraître à la croisée, la même qui avait suivi René à Saint-Malo. Des autres surgirent aux issues de la maison et du jardin. Bref, notre héros reconnut tous les limiers de la justice et vit qu'il était bloqué dans les règles. « Ouvrez, au nom du roi !» dit en même temps une voix formidable. Luc et Marie-Ange tremblèrent de la tête aux pieds. Marthe accourut, toute bouleversée dans la salle. René seul garda un sang-froid magnifique. « Plus qu'un quart d'heure de soleil, » dit-il en regardant le couchant. « Rien n'est perdu encore. Nous sommes 4 contre 10, mais nous avons l'avantage de la position. J'accepte l'abordage. » Se posant aussitôt en capitaine qui ordonne le branle-bas de combat. « À vous, Marthe, la défense des avant-postes. Et voilà l'occasion d'illustrer vos moustaches. À vous, frères et sœurs, le premier étage. Et à moi le grenier, dernier retranchement. » En avant les paroles à droite et les barricades solides. Souvenez-vous qu'un quart d'heure de résistance suffit au salut de la place. » Et pour toute réponse à la 3e sommation, il poussa les verrous, ferma les serrures, s'empara des clés et disparut. Alors la maison subit un véritable siège. Les assaillants et la garnison parlementaire. La porte fut enfoncée, la salle envahie et chaque pièce enlevée d'assaut. Marie-Ange résistait par la grâce. Luc par la persuasion et Marthe par la force. Croyant qu'on en voulait à sa maîtresse, la brave femme joua des pieds, des mains et des dents comme le meilleur chien de garde. Malheureusement, il était impossible de soutenir que M. René n'était pas là. Les recors l'avaient aperçu de leurs yeux de lynx. Enfin, ils arrivèrent à son dernier refuge et ils allaient le saisir bel et bien lorsqu'il leur échappa par la fenêtre en se laissant glisser le long d'une corde. Pas un ne le suivit dans cette voie périlleuse, mais tous redescendirent l'escalier et le rejoignirent dans le jardin. Là, ce fut une lutte de vitesse où il triompha sans peine. Mais à l'extrémité de l'enclos, sa position devint affreuse. Devant lui, la mer battant le roc à 20 pieds, derrière lui, ses persécuteurs, à 50 pas. Son incertitude ne dura qu'une seconde. En un tour de main, ses vêtements sont à bas et il plonge dans le gouffre à corps perdu. Marie-Ange, qui le suivait de loin, s'évanouit d'épouvante. Et les recors eux-mêmes poussent un cri d'horreur. Ils accourent au bord et ne voient qu'un tourbillon d'écume. « Le malheureux » s'écrie-t-il. « Il est englouti ou broyé ?» Mais un cri joyeux leur répond, le cri d'un baigneur qui jouit de la fraîcheur de l'eau. René sort triomphant du tourbillon, fend les vagues comme un requin, gagne un rocher qui formait une petite île et saluant d'un éclat de rire messieurs les gens du roi, les engage ironiquement à venir lui serrer la main. « Hâtez-vous, messire !» leur dit-il pendant qu'ils se regardent ébahis et confondus. « Vous savez qu'une fois le soleil couché, il sera trop tard. Et, tenez, voici le bel astre qui descend majestueusement vers la mer. Il lui donne le baiser du soir et fait rougir et palpiter toutes ses ondes. Il entre dans son lit, messieurs. Vous n'avez plus qu'une minute. Le voilà qui se couche. Le voilà couché. Il ferme ses rideaux de pourpre et d'or. Bonne nuit et à demain. » Admirable spectacle pour un débiteur poursuivi, acheva René en donnant le coup de grâce au record. « Je ne sache rien de plus agréable à voir, messieurs, si ce n'est le pied de nez qui orne en ce moment vos figures. » Les gens du roi se retirèrent suffoqués de honte et de rage, et notre héros, triomphant, regagna le bord. Il s'aperçut alors que ses ennemis s'étaient vengés en lui enlevant ses habits. « Morbleu ! » s'écria-t-il, « le tour est lâche, mais il est bien joué. » Après avoir pris tant de costumes aujourd'hui, je ne croyais pas achever le carnaval dans celui de notre premier père. Comment rentrer ainsi chez Marie-Ange ? Ou comment retourner à Saint-Malo ? Il allait appeler, à tout hasard, lorsqu'un paquet lancé par derrière lui tomba sur la tête. Il reconnut avec joie ses vêtements et aperçut Marthe, cachée dans le feuillage, comme la Galatée de Virgile. « Ces corbeaux emportaient votre dépouille, » dit-elle en se couvrant pudiquement les yeux. « Mais je la leur ai arrachée pièce à pièce et la voilà. Mademoiselle y a joint un peignoir blanc pour vous essuyer. Elle vous attend avec M. Luc dans la salle basse. » À la tendre façon dont Marthe prononça ce Monsieur Luc, René comprit qu'il devait à son nouveau rôle ce dévouement inattendu. Un quart d'heure après, le canot de René regagnait Saint-Malo, chargé de 12 personnes. Premièrement, les deux frères, salués de loin par Marie-Ange. Deuxièmement, devinez qui, les 10 records qu'ils avaient retrouvés sur la grève. Les voyant chercher un bateau de passage, comme des âmes en peine au bord du Léthé, René leur avait proposé galamment d'être leur caron. « Passons ensemble le fleuve de l'oubli, » leur avait-il dit avec la grâce que donne la victoire. Chemin faisant, la substitution de Luc à René, avec promesse de pavement sous 24 heures, fut acceptée et signée par les diverses créances, hormis celle du tailleur costumier, le plus féroce de tous, malheureusement, dont le représentant n'était point là. Allégé ainsi des trois quarts de son fardeau, René ne put toutefois renoncer à l'occasion d'une petite vengeance. Comme le canot abordait le quai, couvert encore d'une foule joyeuse, « Bain pour bain, messieurs les gens du roi » dit-il en débarquant avec son frère et faisant chavirer l'embarcation d'un coup de pied, il plongea dans l'eau tous les recours aux grands éclats de rire des assistants. Ainsi finit le lundi gras de René du Guet-Rouen. À la faveur du crépuscule, il accompagna son frère jusqu'à la maison paternelle. « Au revoir, Luc, » lui dit-il en le quittant sur la porte. « Embrasse pour moi notre bonne mère. Prépare tout pour la fête et le bal de M. Trouin, et c'est ici, demain, que je gagnerai ta cause et la mienne. »